bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Bonnet Rouge, qui je l'espère vous faire bouger où que vous soyez. Inherited by few, a power machine that crushes you and strangles you right on your sleep. But treat me or you, the leisure class, I think we all know that beat punk, hip hop, be a reggae song. It is all connected through the gypsy part of town. Let's go. Let's think about the freedom. Just the way you want them, but soon enough you'll see them. Soon enough they turn around. And soon enough you see them in a different part of town. Cause be it me or it's you, the leisure class, I think we'll know that be it punk, hip hop, be it a reggae song, it is all connected through the gypsy part of town. Let's go! In your sleep, but be it me or it's you, the leisure class, I think we'll know that be it punk, hip hop, be a reggae song, it is all connected through the gypsy part of town. Let's go! It's the underdog world side. Yeah. valori, non da considerazione al pagliaccio che in avanti non sa camminar. Quante volte ancora passerete l'illusione di campar nel giorno ma nel buio mai vegliar. Non dormite sciocchi, questo è il passo del cazzurdo, con i panni sporchi d'odio pulite a volpar. Ride si traveste sempre il passo del cazzurdo, ma che sogni del presente indietro vuole andar. C'était Talco avec le morceau Il Passo del Cacciurdo. Bon, je sais pas si mon italien était correct, mais en tout cas, c'était issu de leur album Combat Circus et c'était précédé juste avant des Gogol Bordello avec le titre Underdog World Strike, issu de l'album Gypsy Punks. Et que dire de plus, à part qu'on va laisser écouter un morceau de Spiner issu de l'album Crisis, et ce sera Autonomous Space, suivi de Don't Ever Say Again des Offenders et de Dark Personality des Planet Smasher. On va continuer en musique dans les bonnets rouges et toujours sur ces fous. Allez, c'est parti avec Spiner. We'll be right back. luxury flats. Then I'm the puncher that fuckass that we're priced out and pushed aside. The witch about wife and comedic guy. This place is for everyone. We've seen what can be done. This place is for everyone. We've seen what can be done. We're nothing but our energy. But there's accepted community. Give us for free as much as we can. This is where we make our stand. your ways and you'll spend your days alone. If you don't get down to work and try to clean up your act, don't be surprised when you call them and they won't come back. Cause everyone agrees with me, no one agrees with you. When everybody says the same thing, you know it's true. And when it comes to you and me, here's what we're gonna do. We're gonna try to help you see that it must be true. Why can't you see there's another way to be? Everybody knows you got a dark personality. Why can't you see there's another way to be? Shine some light on your dark personality. A modest like nobody's business. You bet all you have, that's a woman forgiveness. Why can't you see there's another way to be? Everybody knows you've got a dark personality. Why can't you see there's another way to be? Shine some light on your dark personality. C'était The Planet Smasher avec le morceau Dark Personality issu de l'album Mixed Messages qui est leur dernier album. Et juste avant, c'était écouter The Offenders avec le titre Don't Ever Say Again issu de l'album Generation Nowhere. Et on avait commencé ce bloc avec Spiner et Autonomous Spaces. Et on va continuer jusqu'à la petite pause publicitaire avec Salingen de Perkel issu de l'album Göteborg. Et ce sera suivi de Brawlers et le morceau Vos Singate, issu de l'album Noir. Et c'est parti. Yeah. Passionchen. Licht, ich folge dem grünen Licht. Wo es hingeht, weiß ich nicht. C'était Vite Singe, un morceau issu de l'album Abracadaboum des Berruriers Noirs. Et juste avant, c'était écouter La Mort Douce des Guerriers à Poubelle, issu de l'album Il faut repeindre le monde. Et on va. Notre ami camarade B qui dit en noir, il précise. J'aime ça, on peut le repeindre en noir si tu veux. Il est en train de vouloir jouer, là, il est en train de tout casser parce que. Et là, il tape sur la console, il appuie sur tous les boutons pour allumer son micro, il cogne l'ordinateur qui est à côté, enfin, tu sais, il casse tout. Ça fracasse pas tellement. Oui, mais il y a ça. J'ai seulement accroché ton Macintosh. Tu fais de la publicité maintenant en ligne. Ouais. Mais. Je sais pas si tu te rappelles, mais à Shawinigan, le chantier. Sais, mais bon. Et je vais lui couper le micro parce que de toute façon, on va perdre notre. Il va me dire que je reprends dans son émission. Et donc, on va s'écouter. On va s'écouter maintenant Attentat sonore avec le morceau Infiltré sur l'album Opération Infiltration. Et ce sera suivi. Let's go, Adrien! De Victimes de l'État, des Apaches sur leur album Agitateur. Et on terminera le bloc avec un morceau de Doberman issu de l'album Encore un sale dimanche. Et le morceau s'intitule Ce genre d'endroit. Allez. Après les polémiques des derniers jours, la discrétion des policiers en civil n'a cette fois pas fonctionné et leur infiltration échauffe les esprits. quartier. C'est dans ce genre d'endroit que l'on traîne et qu'on passe nos soirées. Quand vient la fin de la semaine, quand la nuit t'en raté. C'est dans ce genre d'endroit que l'on traîne et qu'on passe nos soirées. Quand revient la fin de la semaine, quand la nuit t'en raté. C'est dans ce genre d'endroit que l'on traîne et qu'on passe nos soirées. C'était Doberman avec le morceau Ce genre d'endroit issu de l'album Encore un sale dimanche. Et juste avant, c'était les Apaches avec Victime de l'État et Attentat sonore avec le morceau Infiltré. Et je vous propose de continuer dans les bonnets rouges jour sur ces fous avec un morceau de Kiemza issu de l'album Nuit Rouge intitulé L'Atelier Fantôme. Et on poursuivra avec Demago des Pakupawa issu de l'album intitulé Pakupawa, un album éponyme. J'ai l'impression que notre ami Camarade B veut dire un mot. Ça vient d'où ça? Kiemza, je crois qu'ils sont. J'ai un petit doute. Ils sont. Ben, ça vient de la France. Ouais, c'est dans le coin de chez moi, ouais. Mais j'ai un petit doute sur les noms des villes. Okay. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais. Mais ça vient du coin de chez moi, là. Ouais. Je crois que Kiemza, je sais plus, ils sont pas de Nantes, mais je vais vérifier tout ça pour pas dire de bêtises. Ok. On vérifie et puis on dit ça après, après, je veux dire quoi, après les morceaux, là. Puis on pourrait souhaiter aussi bonne nuit aux Français qui nous écoutent en France, je crois qu'il y a 1h du matin à peu près. Hein. Là, en ce moment, il est 2h du matin. 2h. 2h50. Ok. Ouais, il est tard. Hein. Ouais. 5h de différence. 6. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu fais pas les. L'heure a-t-elle été changée ou pas en France là? Non. Pas encore. Bientôt. Mais si je. Si c'est ça. Ben, je sais pas en fait quand est-ce que c'est. Faudrait ah, que je sais, c'est pourquoi j'avais dit 5 heures. C'est à cause de l'affaire que je comprends pas. Mais. Ouais. On en parle après si ouais, tu veux. Go. Parce que. Ouais. Tu vas te plaindre après que je dépasse sur ton émission. Aïe, go! Oi! Je suis saisi des milliers de requins qui viendront alimenter les libres des prochaines journées qui s'annoncent agitées. N'en as-tu pas marre de croire en tout ça dans ce que tu vois sous contre toi? Il faudra un jour évoluer, se mettre à penser, découvrir la peau autre part que dans cette putain de télé. Pour toucher le vrai, le réapprendre à écouter les gens autour de nous et pas sur cet écran piégé. Il faudra un jour évoluer, se mettre à penser, choper la foi ailleurs que dans cette putain de télé. Pour toucher le vrai, le réapprendre à écouter les gens autour de nous. C'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, enfin du moins le groupe n'existe plus, mais c'est pas Coupe Puawa avec le morceau Demago, et juste avant c'était Kiemza et le morceau L'Atelier Fantôme. Et du coup j'ai vérifié pour les origines, et Kiemza, mm-hmm. je sais pas pourquoi je les voyais à Nantes, mais en fait ils viennent de Laval. Puis c'était donc, un peu dans le même genre que Tagada Jones. Tagada Jones, bon on va en écouter après. En plus t'as pas regardé sur ce que j'allais mettre là, mais c'est pas mal. Ça fit. Et pour pas Coupe Puawa, bah ils sont de chez moi là, Saint-Brieuc. Bon. Et c'est ça, bah du coup t'as vendu le punch maintenant, enfin je me suis vendu le punch en disant effectivement quand écouter du Tagada Jones avec un petit morceau qu'on pourrait dédier à ceux qui s'opposent au pipeline de je sais plus quel nom là d'ailleurs, c'est quoi la société Enbridge hein? Ouais, c'est ça. Avec le morceau Cargo qui est sur les marées noires qu'on connaît bien en Bretagne là. Mais pourquoi tu t'opposes contre ça, hein? c'est... Ça crée pas d'emploi, tu prends des risques hein? Ouais, non mais c'est pour rendre le fleuve plus noir. T'sais, il va être plus sombre, on va moins voir à travers et il y aura moins d'animaux dedans en plus. Ah, c'est ça, je comprends. Ouais. En fait, c'est pour empêcher, quand t'as les bateaux qui remontent, c'est pour, comme ça, les bateaux viennent pris dans la marée noire et c'est pour tuer les moules bleues qui envahissent les grands lacs. Ouais, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est dans la logique de Stephen Harper de polluer le Québec. Écoute, après ça, on voudrait... D'ailleurs, ils sont pas dans la merde, hein, parce que le prix du baril d'essence est encore descendu. Il est tombé à 80$ avec, en ce moment, la chute des cours financiers. Ouais. Et je trouvais ça très amusant. Puis parce que là, l'Alberta, là, je crois qu'il gagne pas une scène du baril. Puis la pire, c'est qu'ils sont dans là, ils commencent à aller mal. Là, pour ceux qui disent, tu sais, pour les jobs, ça prend du pétrole, c'est parce que dans une émission vraiment scientifique, là, OK, le PIB du Canada, là, au niveau du pétrole, ça représente 6%. On peut s'en passer au Québec. Ouais. OK, on peut faire. Surtout qu'ils n'iront pas d'argent. Ça. Surtout que là, il gagne pas d'argent en ce moment. Non. Enfin. Donc c'est ça, on va s'écouter le morceau Cargo de Tagana Jones. Et c'est la version, pas la version qui est issue de l'album. J'ai un trou de mémoire. C'est pas la version originale du morceau, c'est la version qui a été rejouée pour l'album 20 ans d'ombre et de lumière. Fait que les dauphins, là, trashés dans l'eau avec les baleines, là, c'est pour vous autres, ça. Ou les baleines, si vous êtes dans le coin de Québec. Puis les humains aussi ont le droit de bouger, là, ça. Ouais, bougez-vous, gang de feignants. Puis on se retrouve la semaine prochaine, hein? Parce que là, ça va être Skypunka qui va débuter après ça. Ouais, d'ailleurs, ça, j'ai envoyé le morceau, je pense. Oh ouais, envoie le morceau, ouais. Je ferai des coupures plus tard, c'est pas grave. Là. Ah ouais!